L'homme, la femme, le coq et l'arbre. Ce n'était qu'un vulgaire jouet de 10 sous, et pourtant il fit longtemps mon bonheur. Il n'avait rien des élégances de la petite maison rose où, au mouvement d'un ressort, une fenêtre s'ouvrait, laissant apparaître une mignonne bergère. Était-ce bien une bergère qui me disait bonjour? Comme la petite maison, toutefois, le jouet cachait un mystère, et ce mystère me le rendait plus précieux que s'il eût été taillé dans les bois les plus rares. Régulièrement, chaque fois que je tournais une manivelle en fil de laiton, un homme, une femme, un coq et un arbre semblaient sortir de dessous la terre à la file, comme une procession, et en même temps, j'entendais une musique délicieuse. Je dis qu'il semblait sortir de dessous terre. En effet, quel autre nom donner à l'endroit sombre dans lequel il disparaissait ensuite, après s'être gravement promené tout le long de la mince planchette sur le ruban sans fin que faisait mouvoir la petite manivelle? Je sais bien que c'était une boîte comme les autres boîtes, à cette différence près qu'elle ne possédait pas de couvercle. Et cette absence d'un couvercle avait bien son importance. Pensez donc, si le couvercle avait existé, je n'aurais eu qu'à le soulever pour être édifié sur ce qui se passait dessous. Dès lors, le jouet aurait perdu le charme de l'ignorer, qui nous fait désirer connaître ce que nous ne connaissons pas et nous laisse anxieux jusqu'au moment où le secret n'en est plus un et se change en une maussade évidence. Mais, encore une fois, la boîte était hermétiquement close et mes yeux ne pouvant pénétrer aux noires obscurités où, l'un après l'autre, avec un plongeon brusque et singulier, s'engouffraient l'homme, la femme, l'arbre et le coq. Elle me semblait si ténébreuse et si profonde que mentalement je la comparais à un abîme. Rien d'étonnant donc qu'il me parusse sortir de dessous terre toutes les fois que la manivelle, en tournant, les obligeait à se montrer sur la plateforme où, pendant 2 grandes minutes, car je manœuvrais très lentement, il défilait à la queue leu-leu. Le soleil, quand il décroît à l'horizon, au point de n'être plus qu'un vague disque rose, qui à son tour sombre dans la nuit, m'a souvent rappelé le saut décisif du petit homme, de la femme, de l'arbre et du coq dans le vide des 4 planchettes. L'effrayante et nocturne vide que mes regards ne pouvaient percer. Comme lui d'ailleurs, après être demeuré 1 seconde sur le bord du gouffre, indécis en apparence, il tournait rapidement autour du cylindre sur lequel glissait le ruban. Et toujours pareils au soleil, leur mystérieuse pérégrination à l'intérieur de la boîte accomplie, ils émergeaient à l'autre bout, tournant sur le second cylindre comme ils avaient tourné sur le premier. Tous les 4 semblaient liés ensemble d'une étroite amitié. Le coq suivait la femme aussi docilement que celle-ci suivait son mari. Et l'arbre lui-même suivait le coq avec complaisance, bien qu'un peu vacillant parfois, comme s'il n'eût pu se résigner tout à fait à les suivre constamment dans leur promenade circulaire, et qu'il eût compris que le devoir d'un arbre bien élevé est de demeurer à la place où la nature l'a mis. Ses velléités d'indépendance n'étaient que passagères, à la vérité. Il hésitait surtout au moment de plonger dans la boîte. Mais dès qu'il en était ressorti, une sorte de sérénité l'affermissait sur la petite rondelle de bois jaune qui lui tenait lieu de racine. Après tout, sa haute taille lui rendait peut-être plus difficile qu'au coq, à l'homme et à la femme, cette périlleuse gymnastique. plus j'y songe, plus je me persuade que c'était véritablement là le motif de ces apparentes tergiversations. J'aurais donné gros pour être un instant fixé sur la corde à la suite de l'arbre, comme il l'était lui-même à la suite du coq, et explorer en si bonne compagnie ces ténébreuses régions qui se dissimulaient aux parois de la boîte. J'y aurais vu certainement des choses qu'on ne voit point ailleurs. Quelles choses ? Mon imagination flottait à cet égard dans un océan d'incertitudes. Le moins qu'il me paraissait possible de conjecturer, c'était, au fond d'une obscurité si épaisse que la disparition du jour n'était rien à côté, des monstres, d'horribles dragons et de dévorants serpents ouvrant de larges gueules avec la braise phosphorescente de leurs yeux dardés. Cependant, ni l'homme, ni la femme, ni le coq n'avaient la mine de créatures échappées à un danger. Au contraire, une visible tranquillité d'esprit perçait dans leur attitude et leur physionomie. Et cette paix extérieure, d'où semblait bannie toute inquiétude, ajoutait encore à mes perplexités. Si la boîte ne renferme point un danger quelconque pour eux, me disais-je, pourquoi n'est-elle point ouverte ? La nuit n'est la nuit que parce qu'elle est pleine d'embûches. Le petit homme était visiblement le chef de la bande. C'est lui qui commandait, et tous, même l'arbre, lui obéissaient. Il portait une blouse bleue à reflets lit de vin, bordée dans le bas d'une bande de fourrure jaune qui, en son temps, avait dû orner quelques grands singes inconnus des savants, et de larges bottes à l'écuyère, encore qu'on ne sût quel rapport ces étonnantes bottes pouvaient avoir avec sa condition de marcheur pédestre, montaient jusque par-delà ses genoux. Un feutre mou hérissé d'une plume rouge lui couvrait la tête. Il tenait ses deux mains sur son cœur et éternellement tournait vers sa femme des regards honnêtes et doux, qu'on eût dit amolis d'extase. Celle-ci, du reste, le regardait avec la même admiration persistante. On comprenait que rien au monde n'aurait pu les arracher à leur contemplation mutuelle. Même sous terre, dans le noir, ils devaient continuer à se chercher les yeux. Et petit à petit, j'en vins à m'expliquer par cette préoccupation, devant laquelle s'effaçaient toutes les autres, leur indifférence à l'égard des monstres imaginés par mes terreurs. Ils ne les voyaient pas, ne voyaient qu'eux-mêmes, fermés à tout ce qui n'était pas la lumière émanée de leurs âmes, et reflétés par le point noir de leurs prunelles dans leurs petits visages vermillonnés. Ah, que j'aurais voulu être l'homme aux bottes à l'écuyère, pour être aussi tendrement aimé. Une chose toutefois me choquait. Tandis qu'il était chaudement couvert, comme l'exigeaient les rigueurs du climat, elle, sa fidèle compagne, était vêtue d'une petite jupe jonquille sur laquelle retombait une seconde jupe cerise, et ses bras, ses pauvres bras nus, sortaient d'un corsage de mousseline blanche, léger et transparent comme un nuage. Je ne comprenais rien à l'insensibilité du petit homme, me disant qu'à sa place, je me serais dépouillé de ma blouse et de mes fourrures plutôt que de laisser grelotter une si excellente créature. Lui conservait son inaltérable sourire tranquille, sans autrement se soucier de ce qu'elle pouvait souffrir. Et j'en vins à me convaincre que le fond de sa nature était un grand égoïsme. Il y avait aux deux extrémités de la plateforme une ravissante et rustique maisonnette à toit bleu quadrillé de lignes noires pour imiter le dessin des ardoises. Des fenêtres à carreaux de vitre vert, d'un vert si intense qu'il avait l'air de refléter la verdure des prairies prochaines, s'encadraient sur le mur couleur de lune entre des volets cramoisis. Je n'ai jamais su pourquoi. Entre ces deux maisonnettes, une construction plus haute également recouverte d'un toit bleu, déployait sur un bout de pelouse représenté par des brindilles de mousse trois arcades autour desquelles festonnait une vigne. Et par-dessus la vigne, quatre mignonnes fenêtres avec les éternels carreaux verts étaient séparées par des bandes de papier d'or. Ces choses me sont restées présentes aussi nettement que si j'avais encore le jouet sous les yeux. Je vois même les légers flocons blancs que la neige avait accrochés aux arbres, car j'oubliais de vous dire qu'il y avait un arbre de chaque côté de la maison. Et pour rendre l'illusion des frimas plus complète, la mousse du sol, elle aussi, avait été saupoudrée d'un peu de poussière argentée. Je ne pouvais assez admirer l'effort d'imagination qu'il avait fallu pour mêler ainsi, sans qu'ils eussent trop à se plaindre l'un de l'autre, l'hiver et l'été. Car s'il neigeait sur les arbres de la pelouse, la vigne avait conservé le vert éclatant des espaliers en juillet. Or, chaque fois que tournait la manivelle, mettant le ruban en mouvement, j'apercevais, sortant de la maisonnette de droite, la petite silhouette de l'homme à la fourrure, bientôt suivie de sa mignonne amie, du coq et de l'arbre. Je ne les distinguais d'abord que confusément, comme à travers un brouillard, à cause des vitres vertes qui émoussaient la lumière. Mais bientôt, ils entraient dans la pleine clarté, un à un défilaient derrière les ouvertures du portique, puis de nouveau s'enveloppaient d'ombre dans la maisonnette de gauche, où tous les quatre, l'un après l'autre, disparaissaient avant de s'engloutir définitivement dans la boîte. Et toujours, tant qu'allait la manivelle, avec son grincement sourd de vieux moulin à café, la musique, oh, très doucement, comme si on l'eût entendu de l'autre côté de la rue, jouait un air mélancolique qui contrastait étrangement avec la bonne humeur souriante de l'homme et de la femme. Jamais je ne compris bien ce qu'exprimait cette musique, mais elle était si langoureuse qu'elle ne me paraissait pouvoir s'appliquer qu'à une peine secrète. Et quelquefois, comme si le souffle lui manquait pour achever, elle s'arrêtait sur une note triste à en pleurer, qui avait la vibration du cristal et ne semblait plus devoir être suivie d'aucune autre. « Pic-mil, you-piou » disait-elle, et d'autres fois, les sons se pressaient avec abondance, pareils à de mignons soupirs qui tous ensemble cherchaient à se frayer passage. Tout était mystère, du reste, dans le bizarre jouet, et je suis encore à me demander par quel méchant caprice du magicien ces quatre bons amis, qui ne pouvaient se séparer l'un de l'autre, avaient été pourtant contraints de se suivre sans que la distance entre eux se rapprochât jamais. Ils auraient tourné pendant des siècles, que c'eût toujours été la même chose. Pour moi, je les plaignais de tout mon cœur. Aucun sacrifice ne m'eût coûté pour leur permettre de se joindre enfin, même le coq et l'arbre, qui d'ailleurs faisaient partie de la famille. Mais ils étaient collés si fortement au ruban que, malgré des tentatives réitérées pour les en détacher, je n'étais parvenu à leur imprimer que de légères oscillations. L'amitié qui existait entre l'homme, la femme, le coq et l'arbre n'était d'ailleurs pas moins étonnante que la fatalité qui les empêchait de marcher côte à côte, ainsi que vont de vieux camarades d'une affection éprouvée. Certes, il me paraissait naturel que la femme emboîtât le pas à son mari, puisqu'elle ne pouvait l'accompagner autrement. J'admettais même la présence du coq, un minuscule chantecler empenné de plumes mordorées et haut perché sur des pattes en laiton, les bêtes domestiques faisant quasi partie du train de la maison. Mais l'obstination de l'arbre à suivre le trio me faisait rêver. Un arbre qui se déplace, marche, voyage comme une personne n'est pas banal. Vainement en chercherait-on un semblable dans la nature. Pourtant, à force de le voir prendre sa part de la promenade commune, je m'habituais à trouver cet exercice moins extraordinaire, et la maison elle-même se serait mise en mouvement que je m'y serais, je crois, habitué comme au reste, tant le brave petit homme et sa femme me semblaient dignes de la sympathie universelle. Peut-être, après tout, l'artiste, en alignant le végétal et l'animal sur les talons du tendre couple, avait-il simplement cédé au désir d'exprimer, en un matériel symbole, l'indissoluble affection qui, dans l'âme des gens de la campagne, finit par confondre les êtres et les choses associées à leur dure existence. Le paysan, attaché d'un si inébranlable amour à la terre qu'il laboure et ensemence sans trêve, ne peut se résigner à quitter le clos payé de ses sueurs. Plutôt que de s'en séparer, il serait capable, s'il pouvait, de s'en faire suivre. Et c'est pourquoi je me persuade que tel était bien le sens de cette fraternité qui, à la suite des maîtres, poussait l'arbre et le coq. C'est égal. Un peu de mélancolie me prend encore à l'idée qu'il eût été si simple pour l'artisan de changer ses combinaisons en les rapprochant sur le même rang au lieu de les espacer et de les faire tourner à la file. Et je pense à tant d'autres qui, avant eux, ont ainsi tourné, à tant d'autres qui, après eux, ainsi tourneront. Mais alors, je n'aurais pas senti s'éveiller la pitié dans mon cœur. On apprend quelquefois chez les jouets à n'être pas insensible aux malheurs des hommes.